chers téléspectateurs, nous sommes sur Radio Montpaïs 90.1, il est 19h et vous écoutez l'émission Blood at Roots. Et ce soir pour notre émission de mai, Cocorico, on est sur du rock français avec des artistes aussi divers que Oberkampf, Zebda, Noir Désir, Hubert Félix Thiéfaine, Les Têtes Raides, Katonoma, etc., etc. Dans une émission qui nous est concoctée ce soir, en grande partie en tout cas, par Stéphane. Bonsoir Stéphane, ça va? Bonsoir tout le monde, bonsoir Pierre-Julien. Bonsoir Julien. Oui, on verra. Bonsoir Yann, bonsoir Mathieu, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux autres et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Ouais, l'idée c'est qu'en fait, il y a un mois, on avait fait une spéciale rock 90, mais plutôt grand briton et américain. Et finalement, on s'est dit qu'il y avait du bon rock français aussi, avec pas mal de spécificités. Donc on va dédier une, voire deux émissions au rock français, a priori. Sachant qu'on revient à l'essence aussi de la radio, puisque la radio, outre le côté social, c'était aussi un engagement passé de la musique chanson française. Donc petit clin d'œil aux anciens de Radio Montpaïs. Mais là, ça va être du pur rock. On y va. Alors, c'est parti. Voilà, donc l'idée du rock, on va pas faire une chronologie, c'est simplement c'est dire on allait prendre l'aborder sur. Alors, on va faire un petit historique quand même, et puis l'aborder sur, sur deux thèmes principaux qui est de montrer que le rock français globalement, enfin c'est notre point de vue, enfin le mien, est plutôt engagé, contrairement peut-être, enfin je sais pas, on va peut-être pas s'en dans des comparaisons avec le rock anglais ou autre, mais. Donc on va prendre le prisme du rock français engagé, on va prendre le prisme aussi ensuite d'un rock français qui est sous influence diverse, un peu à l'image de la société française, ce qui est plutôt pas mal, et on verra les tournants des années 80. Et puis on fera un petit topo sur les poètes rock, parce qu'on en a aussi en France, et puis Pierre-Julien fera un petit florilège rock français qui rentre pas forcément ou qui rentre dans les rubriques, mais ça sera ta petite playlist, c'est ça? Voilà, tout à fait. J'ai sélectionné quelques titres qui m'ont fait plaisir. Voilà, j'avais pas spécialement d'idées plus approfondies face à la grande construction que tu as apportée à ton émission. Et donc, bon, voilà, je me suis permis un petit florilège. Voilà. Donc, ce sera mon encadré, entre guillemets, pour cette émission de Blood at Roots. Et qui fera peut-être transition avec la prochaine émission du mois de juin. Tout à fait, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Donc pour le coup, là, on va écouter trois morceaux. C'est un peu pour présenter l'historique. On en parlera après. L'historique, c'est-à-dire, enfin l'historique, on va pas partir des années 60, on va partir des années 70 avec le groupe majeur, forcément, du rock français des 70, 80, 90. On les laisse deviner ou... Non, je vais le dire parce que en fait, l'idée, c'est téléphone, forcément. Et par contre, le choix de la chanson, c'est pas la chanson la plus rock qu'ils aient fait, ni la plus engagée, parce qu'ils en ont fait aussi, on y reviendra. Par contre, on arrive sur ton côté fleur bleue, je pense. En fait, même pas, figure-toi. C'est plus que ça fait un petit lien avec la thématique de l'émission sur la musique afro-américaine, parce que je trouve que ce morceau, donc c'est un live, hein, c'est un peu de ton amour. Et je vais passer le titre exact, mais c'est en live et il y a un moment, enfin une bonne partie instrumentale où Bertignac se lâche totalement et finalement c'est limite soul funk, quoi. Et ça m'a impressionné. J'avais pas l'habitude d'entendre téléphone sous cet angle. Donc c'était un peu pour faire la transition, le premier morceau donc sera téléphone. On parlera après, on écoutera les Dogs. Et enfin Taxi Girl, et on vous dira pourquoi après. We'll be right back. Voilà pour ta séquence petite historique. Trois chansons, tu as fait un petit historique. Alors du coup, ça consistait en quoi cette historique? C'était l'idée de dire que bah, en fait, des années 60, bon, il y avait rock and roll, hein, tout Dick Rivers. Dick Rivers, Johnny, Chaussettes Noires et tout ça. Et que finalement, dans les années 70, moi, tout du moins le souvenir que j'en ai, c'est qu'en termes de rock, il y avait Téléphone, vraiment. Il y avait Trust, mais Trust n'a pas non plus un part antisocial. Ils avaient leur public, mais sans plus. Donc Téléphone qui tournait. Il y avait des groupes dont on parlait très peu, dont les Dogs, parce qu'ils étaient un peu blacklistés du fait qu'ils chantaient en anglais, alors que Téléphone s'en sortait en français. Mais il y avait d'autres groupes, hein, comme Bijoux, comme Little Bob Story. Bon, Little Bob Story, pareil, c'était du blues rock qui chantait en anglais. Donc il y avait cette vision des années 70. Est-ce que c'est pas finalement un petit historique d'une émancipation d'artistes qui reprenaient des artistes d'outre... Alors ça, c'était... Oui, disais, ça, c'était tout ça, oui. C'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment du rock... Enfin, il n'y avait pas vraiment, je ne vais pas dire un ça. Un truc qui avait une patte voilà. Un peu différente. Quoi. On avait quelque chose, même 60-70, on avait plutôt des chanteurs en fait qui avaient leur personnalité, qui avaient leur monde, que ce soit variété ou compositeur, mais des bons, hein, des Balawan, des Berger, des Higelin qui va venir après, etc. Mais en termes de rock, c'est vrai qu'on avait cette impression que le rock français se calquait sur des reprises ou se calquait sur le mode rock anglais. Et ce qu'on va voir après, c'est, enfin, de ce que moi j'en ressens, c'est qu'à partir des années, le punk va arriver. C'est ce qu'on va entendre justement avec le début du rock engagé, avec on écoutera deux morceaux, donc Oberkampf pour le côté punk, qui parle des hôpitaux psychiatriques, c'est un thème qui sera repris un peu plus tard. Et le deuxième groupe, alors pour le coup, là, on commence à avoir un autre style de musique qui mélange un peu tout, c'est les Tamitsuko, qui arrivent dans les années 70-80. Et un peu, ça commence à être un peu inclassable, mais ça reste du rock. Et... avec une tendance, enfin avec des revendications quoi. Dans l'idée des groupes qui n'étaient pas forcément diffusés fin des années 70, donc voilà, il y avait Téléphone a tenu jusqu'à 90, et il n'y avait pas grand chose autour, du moins il y avait, mais on ne les voyait pas. Il y a aussi le facteur début 80, bah, Radio Montpellier s'est bien placé pour en parler, c'est-à-dire l'émergence des radios libres, qui certainement a boosté. Il a influencé pas mal, enfin ça a permis de passer pas mal de groupes à l'antenne qui se sont fait connaître. Et donc là on rentre en fait dans une phase où tu vas développer ta première rubrique, c'est que une des spécificités du rock français d'après toi, c'est qu'on a un rock français qui est d'abord engagé quoi. Ouais voilà, l'idée c'est que, enfin moi, ou c'est peut-être parce que j'écoute ce style de rock, mais le rock français, Téléphone déjà à la base est engagé. Quand on écoute Argent Trop Cher, Forme ma ville qui parle de la drogue, la bombe humaine, bon voilà, Cendrillon, hein, c'est quand même. Donc ça dénonce des trucs, ils avaient amorcé. Le punk arrive avec un côté fortement revendicatif, et après ça va s'enchaîner. Donc pour le coup revendicatif, on va écouter deux morceaux, donc Oberkampf, comme je disais, qui va dénoncer qui parle de l'hôpital psychiatrique, et on va écouter les Retamitsuko qui nous parle d'un petit train, qui est plutôt joyeux au départ, mais il faut savoir que cette chanson elle est dédiée au père de Catherine Ringer, le chanteur, qui a été déporté durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Oberkampf et Retamitsuko, on est à la frontière 70-80. Et ensuite, tu nous présentes les Berruriers Noirs. Alors, ça sera après. J'anticipe un peu trop. Oui, parce que là, ça va être du chaud quand même. Là, il y a de la matière. Alors Oberkampf et Retamitsuko. portable. Comment ça va? J'ai besoin de main, j'ai besoin de bras. Je me présente, je suis le docteur Frankenstein. Il suffit de violence, que la décadence. Il faut que tu danses, j'étais en cadence. Faut pas que tu penses, sinon, sinon. Time. Le petit train, l'Erita Mitsuko. Donc l'idée préhistorique, c'était ce côté engagé du rock français. Donc il a commencé, on avait dit, avec Téléphone. Et là, il va y avoir plusieurs événements des années 80 qui vont faire qu'il y a une scène alternative parisienne, notamment, qui va être hyper développée suite au punk. Est-ce que tu vas parler de la montée du Front National? Voilà, le truc, c'est ça aussi, c'est qu'en parallèle, il y a eu la montée du Front National qui a atteint des scores. Alors, maintenant, ça ne choque plus personne, mais même à 15%, c'est pour l'époque, c'était énorme, quoi. Donc il y a eu tout un mouvement qui s'est mis en place. Alors, le mouvement était au-delà même de la scène musicale, plus qu'à cette époque à Paris. Selon les témoignages, c'était assez compliqué de se balader dans certains quartiers, notamment autour d'Assas ou autres. Et parce que c'était tenu par les skins, quoi. Et donc il y a eu d'autres bandes. Alors c'était le début des premières bandes de quartier. Alors il y avait les Zoulous, il y avait des Ducky Boys, il y avait et des gens d'extrême gauche qui sont montés. C'était l'époque des Rascals, sinon. Un peu tout ça, quoi. Ouais. Et qui sont montés pour récupérer là le territoire. Donc il y a un très bon reportage pour ceux que ça intéresse qui s'appelle. Chasseur de skin, et qui retrace cette époque des années 80. Et en même temps, la scène alternative punk rock se développe avec un groupe majeur qui d'ailleurs s'appuiera sur le service d'ordre de ce groupe. C'est des gens qui s'occupent de chasser les skins des rues parisiennes. Donc c'est les Béruriers Noirs. On verra après tout ce que ça enclenche. D'ailleurs, il y a un truc que ça me fait penser à une réflexion personnelle, mais on parle beaucoup de radicalisation de la société aujourd'hui, mais je pense que la société radicale à l'époque, enfin la société, elle était beaucoup plus radicale par certains aspects à l'époque. Finalement, tu avais pratiquement des milices, des bandes. C'est ça. Alors, il faut relativiser aussi, ça se passait surtout à Paris. Même si, par exemple, à Toulouse ou autre, il y avait ça, mais ça se passait surtout à Paris. Mais il y avait effectivement une confrontation entre une extrême droite qui se montrait dans la rue, qui se remonte maintenant. C'est pour ça que c'est important aussi de passer ce morceau-là pour montrer aux gens, quelque part à la jeunesse, que dans les années 80, finalement, je peux le dire, vu que les années 80, c'est ma jeunesse, les gens se mobilisaient contre le Front National. C'était outre des manifs, ça se faisait par les concerts, par les associations, par plein de choses. Il y a plein de trucs qui sont mis en place. Bon, apparemment, ça n'a pas forcément marché. Là, on est ils annoncent 37%, 33% aux européennes, personne ne bouge. Enfin, je veux et dire, du coup, la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, la jeunesse déteste encore telle le Front National? C'est un peu la question. En tout cas, donc on va écouter un morceau des Bérus en live. À la base, c'est Porcherie, mais vous entendrez tous ce refrain qu'à l'époque, n'importe quel antifa a soit siffloté, chanté, hurlé. Enfin, vous reconnaîtrez ou pas si vous connaissez pas. Et on enchaînera par un morceau qui s'appelle Identité, qui est chanté par Noir Désir et les Tétraides, qui est beaucoup plus poétique, mais qui n'en est pas moins rude sur les paroles pour dénoncer cette notion de nation, de frontière, de tu viens chez moi, etc., etc. Et on finira par Noir Désir, qui là va chanter Un jour en France, où là c'est une remise en question de toute la société française, notamment toujours quand même par cette montée du racisme. Donc Porcherie pour commencer, qui va impulser tout le mouvement antiraciste des années 80, avec la marche des beurs et tout ça. Enfin bref, toute une époque. C'est parti.

sera beau, on chantera les oiseaux. Paris sera beau, si les oiseaux me nantent. Paris sera beau, car les oiseaux, allez, Paris sera beau. On a fini donc ces trois morceaux, on finit avec Noir Désir, donc simplement pour préciser que c'est un groupe composé de trois Bordelais et d'un Stéphanois. On se comprend entre la technique et moi. Le reste vous n'êtes pas concernés. Bah, bon, j'étais pas prêt pour Noir Désir. T'étais pas prêt, mais ouais, bon, ça c'est un autre débat. Par contre, t'es prêt pour Phil Spector ou autre, c'est ça. C'est... Attention à la sélection. Mais c'est encore trop frais, Noir Désir. C'est encore trop frais. Phil Spector, il va mourir. Et puis, ok. Voilà. Si tu veux. Je ne l'avais pas fait exprès. Tu vois. Ouais, d'accord. Alors là, oh la mauvaise foi. Non, là, je plaisante. Ouais, parce qu'il l'a pas fait qu'une fois. Hein, d'un autre côté, ça s'est mal passé une fois. Ça s'est mal passé une fois, mais. Non, mais on est d'accord sur le fait que l'inspecteur, c'est un connard. D'accord. Voilà. Mais ça enlève pas le fait que Bertrand Cantat, ça a été un sacré. Oui, mais Noir Désir, ce n'est pas le droit au pardon. Machin, ouais. Et Noir Désir, ce n'est pas que Bertrand Cantat. En plus. Il faut bien le dire. On enchaîne sur cette notion. Donc là, on était vraiment dans le côté engagé et dénonciation au racisme, enfin, ce qui était le cœur des années 80. Et ça va enclencher aussi l'émergence de groupes. Comment dire, justement issu, comme ils appellent, de l'immigration. Alors le premier vraiment groupe rock, c'est Carte de Séjour. On passera peut-être un morceau tout à l'heure dans les influences, avec le chanteur Rachida, qui a commencé donc Carte de Séjour. Là, on va passer un groupe local qui se base un des premiers morceaux, je crois, qui a eu. Enfin, ils ont fait parler d'eux en se basant sur un discours de Jacques Chirac, 91, qui parle du bruit et de l'odeur des familles africaines. On était en 91 et c'était Chirac qui après sera président, si on se rappelle bien le truc. Donc Zebda va dénoncer ses propos. Et derrière, on écoutera, pour rester un peu, alors sortir un peu du rock, mais pas tant que ça, on écoutera le Dub INC. Qui va tenir des propos de même teneur que Zebda, c'est-à-dire sur la dénonciation de l'immigration. On en est là. Zebda, c'est 91. De BNC, c'est 2000. C'est maintenant. Et c'est toujours les mêmes paroles, ils dénoncent toujours les mêmes choses. Donc ça n'a pas évolué, en fait, qu'on le veuille ou non. Donc on va écouter Zebda, le brother, de BNC, tout ce qu'ils veulent. De BNC, ils sont là aussi parce que c'est pas du rock ce qu'ils font, mais ils ont un mode de fonctionnement rock, enfin pour moi. C'est-à-dire que c'est un groupe qui s'autoproduit, qui s'est fait connaître qu'en faisant des concerts, petites salles, festivals, mais qui continue à s'autoproduire, qui est capable d'aller jouer dans un petit café au Portugal et après de faire les vieilles charrues ou autre. Donc ça, ils ont ce côté libre et plutôt rock'n'roll. Quoi. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Donc Zebda et de BNC pour enchaîner sur... Alors j'ai une petite request, parce que j'ai l'impression que j'arriverai pas à passer mon florilège ce soir. Mais j'ai un groupe en fait, Porto Bello Bones, qui est Porto un peu pareil sur le côté do it yourself. C'est-à-dire qu'ils sont jamais passés par les circuits traditionnels, c'est en mode autoproduit, etc. Enfin, et j'aimerais bien le passer à la suite de Bink. Alors ça n'a rien à voir en termes de style de musique. Tu mets la pression. Non, pas de problème, tu mets la pression aux techniciens. Ils sont pareils, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils font tout eux-mêmes, autoproduits. Ouais, ils sont cool. Jamais vraiment passés par les grands circuits de production, de concerts et tout. Enfin, dans l'idée du DBNC, ils expliquaient qu'en fait qu'ils font des grands festivals comme ça. Les radios interviewent les groupes qui passent avant, les groupes qui passent après, mais eux non. Ils passent jamais à la radio. Voilà. Parce qu'ils sont bloqués par les grosses maisons de disques, vu qu'ils sont autonomes. Donc, du coup, c'est Zebda, c'est le 2BNC et c'est Porto Bello Bones. Porto Bello Bones, c'est un groupe tourangé. Qui fait référence à Porto Bello Road de Londres. Oui, tout à fait. Et oui. Beau marché au plus. Tout à fait. Très beau marché au plus. Absolument. C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse, qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre aussi joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à ceux tombés à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai je pénalise ceux qui flinguent les mormons qui ont pas la pelouse en bas.

Donc c'était Portobello Bones. Portobello Bones, ouais. Qui est un groupe tourangais. Et c'était, on vient d'écouter Rite of Passage, qui est sorti sur l'album New. Qui est Tourangé ou Tourangeau? Tourangeau. Ouais, parce que Tourangeau. Voilà. Tourangeau pour un groupe de 91 à 2001. C'est sorti sur l'album New en 95, Rite of Passage. Et ce que je disais, c'est que bah c'est sympa parce que c'est un peu influencé par le grunge de l'époque. C'est un peu proto-hardcore aussi, ça annonce un peu la suite de leur carrière. Et bon, enfin bref, voilà, il n'y a rien de plus à dire. De toute façon, ils n'existent plus, mais leurs albums sont sympas, quoi. Voilà, petite parenthèse. Ouais, bah de toute façon, on va clôturer le côté engagé du rock français. Alors avec deux morceaux. Le premier, c'est Pigalle qui nous parle. En fait, Pigalle, la chanson Rascal et Ronan, c'est un peu pour recontextualiser ce qu'on disait, c'est-à-dire que cette chanson, elle parle d'un peu ce qui se passait dans les bars, dans le mouvement alternatif, et le côté où après, bah, y a certains groupes qui ont signé dans des maisons de disques majeures, etc., etc., qui ont un peu trahi la philosophie de cette époque-là. Donc c'est pour ça que c'est ce petit morceau Rascal et Ronan. Et le deuxième morceau, ça sera Mickey 3D. Alors Mickey 3D, qui est plutôt un groupe engagé aussi, que ce soit côté écologie ou par un morceau La France a peur aux 20h, enfin, ou qui dénonce un peu les médias et le côté politique de, enfin, bref, de la société française. Pour le coup, ça ne sera pas un morceau forcément engagé qu'on écoutera du Mickey 3D, c'est simplement un morceau que beaucoup de gens connaissent chanté par Indochine, qui s'appelle J'ai demandé à la Lune, mais il faut savoir que c'est Mickey 3D qui l'a écrit à la demande de Nicolas Serkis d'Indochine. C'est le morceau qui va relancer Indochine sur sa période de creux, qui était un groupe qu'on aurait pu passer hein, sans aucun problème, qui était prévu d'ailleurs dans la playlist, avec un morceau qui s'appelait Dissidence politique, qui dénonçait pour le coup les camps, les goulags en URSS. Indochine, il ne faut pas perdre de vue non plus, on en pense qu'on en veut, mais qui ont été les premiers aussi à dénoncer, à parler des histoires de jarre, de... des gens qui ne sentent pas forcément bien dans leur corps, qui ont été les premiers à dénoncer le harcèlement scolaire. Donc ils ont quand même, après on n'aime pas, mais ils ont quand même, et puis ils durent. Donc ça ne sera pas Noir Désir, ça ne sera pas Indochine, lapsus. Mickey 3D, oui, bah, Mickey 3D, comme de BNC, il est effectivement, et comme le guitariste de Noir Désir, de Saint-Étienne. On est d'accord. Donc... Non, là, ils sont de chez toi, quoi. Oui, mais je réponds en fait à Julien, moi j'avais pas le dire. Hein. Franchement, j'avais pas faire de pub. Surtout que ce soir, c'est quand même tendu du côté de Saint-Étienne. Donc on envoie pour clôturer le côté engagé Pigalle, Rascal et Ronan. Et Mickey 3D, une version J'ai demandé à la Lune qui peut vous surprendre si vous êtes habitué à celle d'Indochine. C'était chez Jimmy qu'on allait le samedi entre Bagnolet et rue des Pyrénées, avec dans le ventre une seule envie, boire un coup et s'éclater à en crever. Il y avait tous les copains qui venaient juste pour voir, et puis tous ceux qui jouaient dans les groupes. Pour l'univers c'était leur guitare, pendant que les autres ondulaient la croupe. Chez Rascal et Ronan c'était comme au bal, pourquoi vous tous qui veniez là? Vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Derrière le bar y'avait les trois frères qui servaient les petits canons de rouge. C'est toujours les mêmes qui vidaient les verres, bordel faut que ça bouge. Les vents passent attaquer sur la scène, minuscule. Et ça gueulait plus fort que la sono. Les seins des nanas gigotaient sous les pulls, et même quand ça fritait, c'était réglo. Chez Rascal et Ronan, c'était comme au bal, pourquoi vous tous qui veniez là? Vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. On a tous émigré rue de Buzinval, la patronne était cool. Le bar était grand, on pouvait bouger, la serveuse nous rendait ma boule. Ça se finissait très tard, en discussion d'ivrogne. ou bien les musicos tapaient le bœuf. On repartait parfois avec une petite quepone ou avec un beau coquard tout neuf. Chez Rascal et Ronan, c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là, vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Puis tout a fermé, les voisins rouspétaient, restaient plus que les groupes et la musique. Alors ils sont arrivés, ceux qui attendaient à grands coups de dollars et de fric. Derrière leur bureau, ils parlaient d'avenir, de rendement, de carrière, de top et de cible. Comment donc ont-ils fait pour vous convertir, vous qui étiez si incorruptibles? Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là, vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Peut-être qu'en effet ça pouvait pas durer, mais un rêve on doit pas le casser. Je sais que vous direz que c'est démagogique, mais c'est juste un peu nostalgique. Peut-être qu'en effet ça pouvait pas durer, mais un rêve on doit pas le casser. Je sais que vous direz... C'est bien parce que vous insistez, hein. Voilà, donc là, le côté prisme sur le rock français engagé se termine avec Mickey 3D. Hein. On rappelle Mickey 3D qui va enclencher aussi un truc sur revendication, l'environnement, l'écologie, qui avait été aussi chanté par Pigalle. On avait passé une chanson il y a, je ne sais plus pour quelle émission, où c'était Madame Louise, elle était esquise, chantée par Pigalle, qui parlait de la fonte de la banquise de manière plutôt poétique. On bascule sur le deuxième prisme qu'on avait choisi, qui est le rock français, justement, contrairement à ce qu'on disait par rapport au rock anglais, plutôt carré, plutôt pas forcément innovant, je trouve, finalement. Enfin, innovant dans un certain sens, mais toujours avec les mêmes instruments, les mêmes airs. Or, le rock français, dans les années 80-88, il y a un ovni qui va tout fracasser. D'ailleurs, cet ovni, on va pas vous dire, on va l'envoyer tout de suite et on en parle après. Mmh. soleil. Il y avait débat alors rockabilly ou non, c'était pas country, c'était country. Ouais, pour moi, country, il y a un rythme country, mais certes, les grilles d'accords font penser à des choses un peu plus hispanisantes. Bah, bref, ça, en fait, il y a une spécificité du rock français sur ce côté festif entre rythme endiablé et grilles d'accords ou musique sur des tonalités un peu plus exotiques, quoi, finalement. C'est vrai pour la Mano Negra, c'est vrai pour d'autres groupes, hein, je pense, comme les Négresses Vertes, par exemple, qu'on va écouter, juste après. Ouais. Et puis plein d'autres groupes. Quoi. Bah, c'est ce qui fait un peu ce qu'on disait, la spécificité, la spécificité du rock français. Là, la Mano, donc 88, ça arrive avec un truc totalement inclassable, donc ça va générer plein d'autres groupes. La Mano aussi, c'est un des premiers, on n'avait pas les cartes de séjour qui les années 80, c'était le premier groupe, je dirais, avec une étiquette un peu fils d'immigré. Et là, pour le coup, la Mano, ils vont faire une chanson chantée en arabe, Sidi Jbibi. En 91, le problème, c'est qu'ils la sortent au moment de la guerre du Golfe, donc elle va être totalement, elle aussi, blacklistée par les radios pour pas chanter en arabe. Alors, on va pas vous la passer. On va passer, par contre, un groupe qui est directement lié à cette l'émergence de nouveaux styles de musique. Enfin, c'est du rock, mais des influences orientales. C'est l'Orchestre National de Barbès avec Salam Aleikoum. Et derrière, on écoutera les Négresses Vertes. Alors, on disait Négresses Vertes totalement incassables. Négresses Vertes, donc le chanteur qui était de fait choriste des Bérus, avec des gens qui viennent du cirque équestre. Et une musique totalement inclassable qui prend pour le coup, forte base rock méditerranéen quand même, avec le titre qu'ils ont fait connaître qui est Zobi la Mouche. Je ne sais pas si on pourrait encore chanter. J'ai écouté d'autres morceaux sur cet album qui s'appelle Mla. Et il y a la fameuse chanson les yeux de ton père. Il explique, il dit, va manger, va voir ta mère, elle l'a préparé, une omelette avec les yeux de ton père, le ragoût, tu verras, par, c'est meilleur par voie anale. C'est des trucs, je ne sais pas si on pourrait... Est-ce qu'on pourrait encore le dire aujourd'hui? Voilà. En tout cas, eux, rock'n'roll, ils pourraient le faire, mais sous un air festif, comme tu disais tout à l'heure, avec le côté méditerranéen. Donc là, d'abord l'orchestre national de Barbès, et ensuite... Non mais je plaisante, c'est tellement what the fuck que oui, on pourrait le faire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Les négresses vertes. Ou l'ONB. Ou l'ONB. C'est l'ONB. I'm Voilà, Radio Mon Pays, 20h29, bientôt 20h30, Blue Dot Route spécial rock français. Alors effectivement, rock français engagé et sous influence. Voilà, on a terminé avec, on va terminer, je veux dire, avec la notion de rock français carrefour d'influence, avec bah, pour le coup un combo de deux groupes qui vont chanter ensemble, enfin un groupe et un chanteur. Plutôt un années 80-90, donc le chanteur de leur désir, et peut-être un des groupes phares du rock français des années fin 90-2000, je pense, ou 2000, qui est Chaka Ponk. Et le morceau, pour le coup, dans le, c'est du rock, clairement, et carrefour d'influence, parce que bah, c'est chanté en... en espagnol, puisque le morceau s'appelle Palabra mi amor, donc Chaka Ponk et Bertrand Cantat. Et là, pour le coup, ça envoie, mais grave, mais vraiment grave, quoi. Moins qu'un chien, éliminer les flèches et les indiens, le bluff qui s'y est au visage blême, thème, le blabla, thème, paysage désolé qui circule dans nos veines, oh chérie, tu charries plus d'oxygène, et tu continues le... Yes. Voilà, c'était donc le Chaka Ponk avec Bertrand Cantat, Palabra Mi Amor, 20h34, Radio Mon Pays, et on clôture donc le prisme rock français Carrefour d'Influence. Alors, on aurait pu vous passer du carte de séjour, on aurait pu vous penser le côté influence française avec les naufragés. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire, peut-être qu'on développera plus tard le rock français. Là, on va faire une petite rubrique avec 4 morceaux sur les poètes rock français, enfin ce qu'on considère comme les poètes rock. Donc, ça sera d'abord Tiffen avec Génissé, un hommage aux femmes, clairement. Ensuite, Charlie Couture, qui parlera d'un fameux fauteuil en cuir. Et puis Daniel Darc, donc on revient à Daniel Darc, c'était un des membres de Taxi Girl, groupe qu'on a entendu en introduction sur l'historique, qui a fini en solo, de fait, vu que c'est un groupe Taxi Girl qui a une nécrologie assez importante, puisque sur les 5 membres originels, il ne reste plus que 2. Donc Daniel Darc avec Nin Kinski, Daniel Darc qui d'ailleurs nous a quitté en 2011 je crois, 2012, dans ces eaux là. Et on finira ces 4 chansons des poètes rock avec Jean-Louis Murat, Polyjean. Voilà pour le côté poète rock français. Et on commence donc par TFN, Génissé, hommage aux femmes. C'est pas le jour de la femme, mais voilà, hommage aux femmes. Nous sommes tous un peu trop fragiles à regarder tomber la nuit sur le vert gris de nos villes avec nos amours sous la pluie dans cette grisaille silencieuse où les regards de nos déesses deviennent des ombres orageuses chargées d'étranges tristesses. Magnifiquement belle, magnifiquement. Elles ont cette folie si tranquille, ce calme étrange au bord du stress. Quand nous traînons sur nos bêtises, à leur mentir de la tendresse. Elles sont si brillantes et si vraies, dans le chauvet lourd de leur vie. Pour nous piètre morveux distraits, qui nous prenons pour des génies. Magnifiquement belle, magnifiquement belle, magnifiquement. Elles ont le monde entre leurs seins et nous sommes des oiseaux perdus, des ptérodactyles en éclats avec des sentiments tordus. Elle, magnifiquement belle, elle, magnifiquement belle, elle, magnifiquement belle, elle. Tous un peu trop fragiles à regarder tomber la nuit sur le vert de gris de nos villes avec nos amours sous la pluie. Merci beaucoup. Romuald. Fred. Je les connais depuis un certain temps. Ce sont des garçons énergiques et très beaux. Et très talentueux. Manu Mali. Gizmo. Et Daniel. de Trio. Et puis, comme plus on est plus de fous, plus on s'amuse, on a aussi avec nous ce soir Didier Vampas. Regardez comme il est beau. Oh, il est beau. Combien de temps passé dans ce fauteuil en cuir enfoncé, défoncé dans ce cuir tout déchiré, à regarder par la fenêtre les feuilles qui frétillent, et puis ces grandes silhouettes sombres dans la lumière froide. Allons-y, l'enduler les murs. Tant vient de temps. Allons-y. ça plutôt chic. Toutes nos haies de lilas. s'évanouir gisait au fond de l'eau. Je soulevais la mantille aspergée de citron, le mauvais qu'on aspire. Je regarde et me fascine la vague où je m'ébats. J'y vois rouler des mantilles que je ne connais pas. Voilà déjà que claque son tissu rouge sang, elle en coiffe sa tête et me glace le sang. J'avais rêvé de poursuivre sur des rochers luisants le galurin de Pindy, galure rouge sang. Même pris par la police, police des sentiments, je garde intact mon désir où je sens dedans. Sur les mâts de misaine, les marins vous diront que le galure de la reine n'existe qu'en chanson. Sur des rochers luisants, le galurin de Pidgey, galure rouge sang. J'ai soulevé la mantille aspergée de citron, le mugris qu'on aspire. Voilà, donc on est toujours sur Radio Mon Pays 90.1, Blue Dat Roots. On s'écoutait du bon son et on va s'écouter tout de suite un petit florilège. Alors je vais pas présenter parce qu'on n'a plus trop le temps, mais on va se passer le Villejuif Underground, qui est un bon groupe de rock alternatif en mode un peu Velvet Underground, comme vous l'avez deviné. Et puis, comme on n'aura pas le temps de se dire au revoir, un deuxième son de We Hate You, Please Die, un groupe rouennais avec Kill Your Buddy. Donc, avant tout ça, on passe Marie et les garçons, Rebop, okay. Qui est aussi inspiré de... Enfin, qui a des fortes influences avec le Velvet, puisque c'est produit par John Cale lui-même, donc ça ira très bien avec le Villejuif. Donc on écoute ça en premier. Ensuite le Villejuif et puis on n'écoutera pas We Hate You Please Die. Du coup, je suis pas sûr qu'on ait le temps. Non. Et on en profitera pour le mois prochain, tu voulais dire, ouais. OK, ben du coup, c'était le titre Marie et les garçons. Rebop. Rebop. Thank you. voilà, donc on était sur Radio Montpaïs 90.1 toujours, on n'est pas loin de 21h. On en profite pour vous teaser l'émission du mois prochain, qui sera toujours un peu sur le même thème, hein, le rock français, mais un peu plus actuel, n'est-ce pas? Ouais, on y va, il y a encore pas mal de choses à dire. Ouais, il y a encore des choses à dire. On sera sur une période beaucoup plus récente. Nous, on en profite pour vous faire un petit bisou des locaux de Radio Montpaïs avec le Ville Juif Underground, ce groupe sur lequel j'ai assez peu d'informations, qui est signé chez... Ils viennent de Ville Juif, le Val-de-Marne. Signé chez Band Bad Records. Deux albums, 2016-2018. Ce morceau vient de l'album de 2016 avec un chanteur australien qui a pas mal squatté à droite à gauche et puis qui s'est retrouvé à parler de ses embrouilles pour son passeport dans cette chanson qui s'appelle Le Ville Juif Underground sur l'album Le Ville Juif Underground du groupe Le Ville Juif Underground. Bonne soirée à vous tous avec Blue Bad Root sur Radio Montpaïs. There ain't no stars out in this neighborhood, just crooks and families. I'm peacefully content and I'm always around, sitting in the back cabin, in the view, Juif on the ground.